إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن من الأمور العظيمة التي ندبت إليها الشريعة الإسلامية وحثت على فعلها والعناية بها لزوم الأدب وتكميله وتحسين الخلق وتهذيبه، إذ إن ذلك هو عنوان سعادة المرء في هذه الدنيا والآخرة. والأدب أيها المسلمون كلمة عظيمة ذات دلالات عميقة، وهي تعني اجتماع خصال الخير في العبد في هيئته ومظهره وفي حركته وسكونه وفي حديثه وسكوته وفي حله وارتحاله وفي جميع شؤونه، وهو إصلاح للمنطق واللسان والجوارح والجنان، وهو صيانة كاملة للإنسان به تهذب النفوس وتزكو القلوب. وبالأدب يتجمل الظاهر والباطن، وبه تبتعد النفوس عن الرذائل والقلوب عن شرورها. ثم اعلموا أيها المسلمون أن بالأدب تعلو منارات الدين ويعظم إقبال الناس عليه. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الحسن البصري رحمه الله: هو آداب القرآن. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que parmi les choses auxquelles l'islam nous appelle et nous encourage à accomplir, le fait d'avoir un bon comportement, car ceci est l'emblème et reflète le bonheur de la personne dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Le bon comportement, c'est une parole immense qui renferme de nombreuses morales et de nombreux sens. Et pour résumer le bon comportement, c'est le fait que plusieurs qualités se réunissent en la personne, des qualités qui sont visibles de par l'apparence de cette personne, un bon comportement visible dans les mouvements de cette personne, et lorsqu'il est posé également, un bon comportement qui est visible dans ses paroles, dans sa façon de parler, mais également dans sa façon de se taire. Un bon comportement qui est visible dans la personne, qu'il soit résident ou qu'il soit alors voyageur. un bon comportement qui englobe l'ensemble des domaines. Un bon comportement qui permet d'avoir des paroles vertueuses et que les actes du corps accomplissent des actes vertueux. C'est par ce bon comportement que les âmes sont éduquées et que les cœurs sont purifiés. C'est par ce bon comportement que s'embellit à la fois la partie apparente et la partie cachée de cette personne. C'est le bon comportement, chers musulmans et musulmanes, qui permet à l'âme de s'éloigner des mauvaises qualités et qui permet au cœur d'être épargné du mal qui puisse exister en lui. Le bon comportement, chers musulmans et musulmanes, permet d'élever les mœurs de cette religion et permet aux gens d'accourir vers celle-ci. Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant selon le sens, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient alors enfuis de ton entourage. Et Allah Azza wa Jal s'est adressé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam également en lui disant, et tu es certes doté d'un comportement immense. Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit, c'est le comportement auquel nous appelle le Coran. Ayyuhal muslimoun, لقد تأدب عليه الصلاة والسلام بآداب القرآن فكملها وتحلى عليه الصلاة والسلام بتوجيهات القرآن وإرشاداته فتممها عليه الصلاة والسلام فكان خلقه الذي يتخلق به وأدبه الذي يتأدب به هو القرآن الكريم كما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن أي أنه عليه الصلاة والسلام كان متأدبا بآداب القرآن متخلقا بأخلاقه واقفا عند حدوده عاملا بأوامره منتهيا عن نواهيه بحيث لا ترى في القرآن من خلق ولا أدب إلا وهو عليه الصلاة والسلام متمسك به ملازم له على أتم وجه وأحسن حال فكان بذلك أسوة لأمته عليه الصلاة والسلام وكان بذلك قدوة في كل خير لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en pratique les comportements présents dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mis en application de la façon la plus parfaite. Le prophète alayhi salatu wa sallam a pris en compte les directives et les recommandations du Coran, et il les a mis en pratique, alayhi salatu wa sallam. Ainsi, le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le comportement auquel appelle le Coran. Aïcha, radiyallahu anha, lorsqu'elle a été questionnée au sujet du comportement du prophète, alayhi salatu wa sallam, comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, elle a répondu, radiyallahu anha, son comportement était le Coran. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme comportement les comportements du Coran, présents dans le Coran, les comportements auxquels appelle le Coran. Le prophète alayhi salatu wa sallam s'arrêtait aux limites présentes dans le Coran. Le prophète alayhi salatu wa sallam mettait en application les ordres présents dans le Coran. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, s'abstenait des interdits présents dans le Coran. À tel point qu'il n'y a pas un comportement présent dans le Coran sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'ait mis en pratique de la façon la plus complète. Il fut ainsi, alayhi salatu wassalam, un exemple pour sa communauté et un guide à suivre. Il dit subhanahu wa ta'ala, vous avez certes, selon le sens, vous avez certes en l'envoyé d'Allah, un bel exemple à suivre pour celui qui espère la rencontre d'Allah et le jour dernier et celui qui évoque beaucoup Allah. والأدب أيها المسلمون الأدب ثلاثة أنواع أدب مع الله وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه وأدب مع الخلق أما الأدب مع الله فيكون بالحياء منه سبحانه وتعظيم أمره ونهيه والوقوف عند حدوده والإقبال عليه وحده سبحانه وتعالى رغبا ورهبا وخوفا وطمعا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن الأدب مع الله أيها المسلمون هو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء معرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ومعرفة دينه وشرعه وما يحب ويكره وثالث ذلك نفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علما وعملا وأما الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به ورأس ذلك الانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق عليه الصلاة والسلام وأن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو عليه الصلاة والسلام وينهى ويأذن كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر وهذا أيها المسلمون باق إلى يوم القيامة فالتقدم بين يدي سنته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كالتقدم بين يديه هو عليه الصلاة والسلام في حياته أما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم فلكل مرتبته من الأدب فمع الوالدين أدب خاص ومع العالم أدب خاص ومع الأقران أدب وهكذا ولكل حال أيضا من الأحوال أدب فللأكل آدابه وللشرب آدابه وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آدابها ولقضاء الحاجة آدابه وللكلام آدابه وللسكوت والاستماع آدابه والأدب هو الدين كله إذ الدين الإسلامي هو دين الأدب الرفيع في أوامره الحكيمة وإرشاداته القويمة Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que le comportement est de trois natures. Il y a le comportement à avoir à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, le comportement à avoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le comportement à avoir avec les créatures d'Allah. Quant au comportement à avoir et à adopter avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'avoir de la pudeur envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de donner de l'importance aux ordres d'Allah ainsi qu'à ses interdits. c'est le fait de s'arrêter et de stopper net aux limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a définies. C'est le fait d'espérer d'Allah. C'est le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le fait de placer sa confiance en lui. Le fait d'avoir le bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala consiste à mettre en application la religion qu'il nous a légiférée subhanahu wa ta'ala, de la mettre en application de façon apparente et cachée. Et une personne ne pourra avoir un comportement convenable à l'égard de son Seigneur subhanahu wa ta'ala que lorsque trois choses sont réunies. La première est la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de connaître ton Seigneur à travers ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits. Également de connaître sa religion et ainsi de savoir, en apprenant sa religion, ce qui est aimé chez Allah et ce qui est détesté chez Allah. Car lorsque tu te comportes bien avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'accomplis pas ses interdits et tu ne délaisses pas ses ordres. Et également, il faut une âme qui soit prête à accepter la vérité, à l'apprendre et à la mettre en application. Quant au comportement à avoir et à adopter avec le prophète alayhi salatu wassalam, le Coran nous encourage et nous ordonne dans plusieurs versets de se comporter de la meilleure des façons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela se résumerait en obéissant à ses ordres sallallahu alayhi wa sallam, en délaissant ses interdits, en acceptant l'ensemble des informations qu'il nous a transmises alayhi salatu wa sallam, et de considérer toutes ces informations comme étant la vérité éclatante. Le fait de ne pas devancer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans un ordre ou dans un interdit ou autre, et de ne pas prendre les devants devant Allah et son envoyé. Il dit subhanahu wa ta'ala son le sens: ô vous les croyants, ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son envoyé. C'est-à-dire, ne dites pas une parole jusqu'à ce qu'ils disent et ne faites pas un acte jusqu'à ce qu'ils ordonnent. Et ce comportement que le musulman doit avoir avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam est un comportement qui demeurera jusqu'à la fin des temps. Le fait de devancer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de devancer sa sunnah sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, revient à l'avoir devancé lors de son vivant alayhi salatu wassalam. Quant au comportement à adopter avec les créatures, c'est le fait de se comporter avec chaque créature selon son rang. Ainsi, à chaque rang et à chaque catégorie de personnes, il y a des comportements particuliers à avoir. Ainsi, à l'égard de tes parents, tu devras faire preuve d'un comportement particulier. À l'égard du savant, tu devras te comporter de façon particulière. Et avec les personnes qui sont du même rang que toi, tu devras te comporter également de la façon la plus appropriée, et ainsi de suite. Cela concerne les personnes, mais cela concerne également les différentes situations. En fonction des situations dans lesquelles tu te trouves, et que tu accomplis, il y a des comportements à adopter. Ainsi, lorsque tu manges, il y a des comportements à respecter. Lorsque tu bois, il y a des comportements à respecter. Lorsque tu montes dans ta voiture, ou lorsque tu montes dans un moyen de transport, lorsque tu entres et lorsque tu sors de chez toi, lorsque tu voyages, lorsque tu es en résidence, lorsque tu t'apprêtes à dormir, il y a dans tout cela des comportements à adopter. Lorsque tu fais tes besoins, il y a des comportements à adopter. Lorsque tu parles, il y a des comportements à respecter. Lorsque tu te tais également, et lorsque tu écoutes, tout ceci est régi par des comportements que le musulman se doit de respecter. Car le comportement fait partie de la religion, et la religion est entièrement comportement. Ainsi, cette religion musulmane amène le musulman à être doté des comportements les plus élogieux et les plus nobles, car les ordres présents en islam sont des ordres derrière lesquels il y a une sagesse divine. أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن المعاملة أيا كانت لها أصول فالمعاملة مع الله تبارك وتعالى لها أصولها والمعاملة مع النفس لها أصولها والمعاملة مع الخلق باختلاف أجناسهم وأخلاقهم لها أصولها وقد جمع عليه الصلاة والسلام أصول المعاملة في حديث جامع وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام يقول في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فهذا الحديث أيها المسلمون جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصول المعاملة مع الله والمعاملة مع النفس والمعاملة مع عباد الله أما المعاملة مع الله فإن أساس بنائها أن تكون مؤسسة ومبنية على تقوى الله جل وعلا أينما كان الإنسان وأينما حل اتق الله حيثما كنت وتقوى الله جل وعلا ليست كلمة يقولها المرء بلسانه أو عبارة يتلفظ بها فقط وإنما تقوى الله جل وعلا أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله بذلك يكون المرء من المتقين في sachez chers musulmans et musulmanes que les comportements et les relations, quelles qu'elles soient, ont des bases. Ainsi, ta relation avec Allah Azzawajal a des bases. Ta relation avec ta propre personne a des bases. Et ta relation avec autrui, quel que soit leur rang et quelle que soit leur nature, eh bien, est légiférée sur des bases. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité ces bases sur lesquelles les relations reposent dans un hadith extrêmement important qui fait partie de ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui font partie de Jawami'ul Kalim. Et ceci est une des spécificités du prophète alayhi salatu wa sallam lorsqu'il dit dans le hadith authentique il m'a été accordé Jawami'ul Kalim. Et Jawami'ul Kalim est cette faculté de pouvoir, avec quelques mots, dire des choses qui ont des sens extrêmement nombreux et importants. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa recommandation et dans ses recommandations qu'il a dirigées à Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, alayhi salatu wassalam, crains Allah où que tu sois, et fais suivre la mauvaise action par la bonne, et comporte-toi avec les gens de la meilleure des façons. Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam réunit l'ensemble des fondements sur lesquels les relations sont basées, sur lesquels est basée la relation que tu as avec Allah. la relation que tu as avec ta personne et la relation que tu as avec autrui. Quant à ta relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est basée sur la piété à l'égard d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cette piété doit être présente et existante, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fais preuve de piété vis-à-vis d'Allah, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Et la piété, chers musulmans et musulmanes, ce n'est pas seulement une parole que la personne prononce avec sa bouche et s'en arrête là. Non, la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de mettre en application et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance et en espérant la récompense de ton Seigneur. Mais c'est également aussi le fait de délaisser la désobéissance à Allah azza wa jal en toute clairvoyance, et ceci tout en redoutant le châtiment douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en faisant preuve de piété de cette façon que la personne fera partie des pieuses. واما المعامله مع النفس فانها تنبني فانها تبنى على ما قاله عليه الصلاه والسلام واتبع السيئه الحسنه تمحوها. وهذا ايها المسلمون فيه اشاره الى ان الانسان لا بد له من الخطا والتقصير، كما قال عليه الصلاه والسلام كل بني ادم خطاء. فالانسان بطبعه مخطئ وتعتريه الغفلة ويعتوره النسيان، ولكن عليك أن تقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا، وأن تكثر من الحسنات، وأن تقبل على الله تائبا منيبا، وأن تجعل نصب عينيك طاعة الله جل وعلا والإقبال عليه والتماس رحمته سبحانه وتعالى ورجاء فضله والخوف من عقابه. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام أتبع السيئة الحسنة، بأن يكون العبد دائما وأبدا مقبلا على الحسنات مكثرا من الطاعات تائبا منيبا إلى الله جل وعلا. Quant à la relation avec ta personne, elle repose sur ce fondement que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et fait suivre la mauvaise action par une bonne, car celle-ci effacera la mauvaise. Ceci, chers musulmans et musulmanes, est une allusion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est un enseignement de notre prophète alayhi salatu wa sallam dans le fait que l'être humain tombe inéluctablement dans l'erreur et dans l'imperfection. Comme il le dit alayhi salatu wa sallam dans l'autre hadith, tous les fils d'Adam sont pécheurs, tous les fils d'Adam commettent des erreurs. Ainsi, l'être humain, de par sa nature, fait des erreurs et est victime à la fois d'insouciance et d'oubli. Mais le musulman et la musulmane doivent toujours revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala de façon véridique, et ils doivent redoubler d'efforts dans la mise en application des bonnes œuvres. Et lorsqu'il fait des péchés, de revenir, repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala, de mettre toujours devant soi l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, d'espérer sa récompense et de craindre son châtiment. Voilà l'explication de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et fait suivre la mauvaise action par une bonne, dans le fait que le musulman est toujours attiré et toujours poussé à accomplir les bonnes actions et à les accomplir de façon nombreuse, et tout ceci en revenant, repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma al-mu'amalatu ma'a al-khalq fa aslu bina'iha huwa qawluhu alayhi salatu wassalam wa khaliqi an-nas bi khuluqin hasan. وتحت هذه الجملة العظيمة تدخل جميع الآداب وجميع الأخلاق، فيدخل تحت هذه الجملة صدق الحديث وحفظ الأمانة والوفاء بالوعد وطلاقة الوجه وحسن الكلام إلى غير ذلك من الأخلاق العظيمة والآداب الكريمة التي دعا إليها ديننا. فهذا أيها المسلمون حديث عظيم جامع جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصول المعاملة مع الله ومع النفس ومع عباد الله تبارك وتعالى. Quant aux relations et aux comportements à adopter avec autrui, ceci est basé sur la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. Et comporte-toi avec les gens de la façon la plus bonne. Et cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, immense dans ses sens, englobe l'ensemble des comportements que le musulman se doit d'adopter. Entre dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre autres, le fait de dire la vérité lorsque tu parles, le fait de préserver le dépôt que l'on te confie, le fait de tenir tes promesses et tes engagements, le fait d'avoir un visage rayonnant et un visage souriant, le fait d'avoir des bonnes paroles, des paroles agréables à entendre, et bien d'autres comportements immenses auxquels nous appelle notre noble religion. Voici, chers musulmans et musulmanes, un hadith immense et qui englobe et englobant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a réuni alayhi salatu wa sallam, en des termes extrêmement concis, l'ensemble des fondements sur lesquels repose ta relation avec Allah Azza wa Jal, ta relation avec toi-même et ta relation avec les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله على نيته وسره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم كن عليهم وليا ونصيرا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.